La fille du Rhin, tradition germanique. La roche des amants. Elphine, mamie, viens, viens. L'ombre naît, la brise endormie dans le bois se tait. Ainsi disait Aymar, fils du manoir superbe qui domine du Rhin le cours impétueux. Aymar, le bel Aymar, seul étendu sur l'herbe, au pied du roc blanchi par les eaux tant fougueux. Elphine, douce mille, tout est dans le repos, la brise est endormie, quitte le fond des eaux. Et comme une vapeur que le soleil colore s'élève sur les flots un fantôme charmant, c'est la fille du Rhin, l'Elphine, qui l'adore, qui tend ses bras de neige à son fidèle amant. Son front est couronné de roses, un voile de son sein dérobe la blancheur. Sa bouche de corail aux lèvres demi-closes sourit à son tendre vainqueur. Sur la vague écumante un instant balancée, la nymphe aux bruns cheveux a semblé fuir Aymar, puis enfin sur la rive elle s'est élancée. Dans l'onde a disparu la trace de son char. Et chaque soir ainsi, dès que vespère scintille, le même lieu revoit les amants fortunés. L'étoile du bonheur pour eux sans cesse brille, chaque printemps de fleurs les retrouve enchaînés. Vois, dit l'elfine enchanteresse, comme notre astre luit à la voûte d'azur, Aymar, tant que j'aurai ta constante tendresse, son orbe doit briller d'un éclat aussi pur. Oh, si jamais, mais non, tes serments pour la vie me garantissent le bonheur, toute infidélité de vengeance est suivie. Si l'étoile pâlit, malheur. Félicité, trésor, dévouement, sacrifice à l'amant bien-aimé, fidèle à ses serments. Au volage, malheur, en vain de l'artifice, il croirait recouvrir ses pensées inconstants. Du livre des destins, je puis, ah, je m'égare, telle est cette fureur qui de mon cœur s'empare. Est-ce un pressentiment ? Fidèle à nos amours, non, Aymar, je le sens, tu m'aimeras toujours. Que me fait des destins le livre en ma puissance? Veux-je l'interroger? Oh, la douce ignorance, sans crainte d'avenir, profite des beaux jours. Et la pâle mélancolie sur le front de l'elfine a posé son bandeau. Le bel Aymar ainsi la trouve plus jolie, plus attrayante encore sous cet aspect nouveau. Vive, tendre, toujours par le plaisir bercé, belle rose brillante entre toutes les fleurs, pour la première fois sa paupière abaissée laisse échapper des pleurs. Aymar à deux genoux, fier de son doux servage, par des serments bientôt à chasser le nuage qui couvrait ce front radieux. Au loin a fui le fantastique orage, noir chagrin d'une belle et fort capricieux. Depuis longtemps l'heure de la retraite a sonné pour les deux amants. Adieu ! Ce mot expire et la nymphe muette sur le flot endormi pose ses pieds charmants. Adieu ! Le beau chasseur 20 fois tourne la tête vers le fantôme cher dans l'onde disparue. Jette un dernier adieu que l'écho seul répète, puis gravit le sentier tant de fois parcouru. Il est tard, de la roche il va toucher la cime. Dans les ombres du ciel, le sourcilleux manoir se dessine. Vieux nid suspendu sur l'abîme, à demi dérobé sous la brume du soir. Il approche, ô surprise! À cette heure avancée, un mouvement étrange existe dans ces murs. D'une tourelle à l'autre, une flamme passée jette sur les créneaux ses rayons blancs et purs. L'ogive du donjon tout à coup s'illumine, de même qu'au grand jour. Quel incident ! Aymar plus vite s'achemine, à d'inquiets pensées donne un fantasque cours. Peut-être son vieux père, et sa main frémissante saisit le corps d'ivoire à son cou suspendu. Par 3 fois il le porte à sa lèvre tremblante, en tire en sons aigus d'une haleine puissante, un signal prolongé par les échos rendus. Et par 3 fois le nain qui sur le donjon veille a répondu joyeux au nocturne signal. Le jeune maître, seul à cette heure de veille, commande à l'huisse du manoir féodal. Le pont-levis s'abaisse, Aymar se précipite. Ciel encombrant la cour d'honneur, Des pas le froid fumant, une nombreuse suite de pages de Varlès en joyeuse rumeur. C'est le royal margrave, il vient de sa présence honorer le vieux châtelain. Le bel émar hésite et lentement s'avance. Aux lueurs du flambeau que son page balance, gagne à pas mesurer la salle du festin. Il entre. Son vieux père à blanche chevelure parlant avec chaleur d'abord frappe ses yeux, puis le margrave, puis céleste créature, la belle Alix, sa fille, assise en face d'eux. Aymar a satisfait l'altière bienséance, et quelque peu timide, au loin il s'est placé. Il demeure rêveur dans un profond silence. Le baron a repris l'entretien commencé. À jaser l'heure fuit, déjà sans qu'on y pense, du clepsydre muet le terme est dépassé. Alix. Dire ce qu'il pensait, le chasseur intrépide, l'amant de la nymphe des eaux, près de la bachelette à la beauté placide. Son regard sombre et raide et lambris aux vitraux. Puis enfin ramené sur la royale fille, il vient à comparer leurs différents attraits. Soins dangereux. L'une d'esprit pétille et l'autre, la douceur s'exprime dans ses traits. L'elfine est brune et la belle Alix blonde. L'une est tendre, mutine, au cœur passionné, à la démarche vive et parfois vagabonde, au caprice charmant de la fille de Londres, on est sans le vouloir en esclave enchaînée. Mais en face d'Alix, rendre ce qu'elle inspire serait téméraire dessein. Tout en elle est candeur. L'on croit qu'elle respire dans un autre air que vous, tant son front est serein. Elle parle. L'on croit que sa bouche soupire en langage du ciel un cantique divin. Et, sans vouloir encore, l'œil du bel aymar erre du plafond de la salle aux longs cheveux bouclés. De l'ogive vous reflète une pâle lumière aux yeux couleur d'azur par la pudeur voilée. Le vieux baron sourit. Semblant d'intelligence avec son royal hôte, il échange un regard. Mais le maître d'hôtel d'un pas grave s'avance. Un essaim chamarré dans la salle s'élance. Au banquet somptueux, on s'assied sans retard. L'on devise, l'on rit, les toasts fréquents stimulent. La vermeille liqueur scelle un secret accord. Sur la table, les mets et les vins s'accumulent. Le toquet pétillant succède au rouge bord. Mais en vain, les coupes circulent. Celle du bel aymar est restée à plein bord. Le vieux baron sourit encore. Il plaisante son fils. La chasse du chamois l'absorbe tout entier. Il devance l'aurore. Et chaque soir, la nuit le surprend dans les bois. L'étoile de Bacchus enfin cesse de luire. La veille est au déclin. Le prince se retire. Chacun va se livrer aux douceurs du repos. Mais le vieux châtelain, demeuré seul, désire entretenir Aymar de ses projets nouveaux. Son front est rayonnant, sa pose solennelle. Il a nourri d'hymen longtemps le choix heureux. L'instant est arrivé. Cette nuit même scelle le nœud qui de son cœur va combler tous les vœux. À minuit, Dame Gontier, le chapelain batave, doit fiancer Aymar à la belle margrave. Secret pendant 3 jours pour les gens du château. Seuls les pères sauront l'échange de l'anneau. Aymar reste sans voix. Alix à lui s'enchaîne. Alix, cette beauté que son œil ose à peine fixer tant elle semble un miracle des cieux. Alix à lui, grand Dieu. Alix à lui, sa main, son cœur, sa vie entière. Ô fortune, il pâlit. Son cœur soudain se serre. Lui, lui couler des jours sous un nœud fortuné. Malheureux, n'est-il pas à l'elfine enchaîné? Devant lui menaçant, son fantôme se dresse. Non plus comme autrefois respirant la tendresse, mais froide, brandissant un meurtrier poignard. Tremblant, il balbutie, il invoque un retard. Qu'à ce bonheur si grand son âme s'habitue. Le vieux baron s'irrite. En croirais-je ma vue? Malheureux, hésité, apprend qu'il est trop tard. Il verrait un refus, oui, de sa mort suivie. Au margrave, jadis, il a sauvé la vie. L'union fut scellée au milieu des combats. S'il faut, sous cet affront, que son honneur succombe, il le maudit, puis dans la tombe, lui-même ira chercher le repos du trépas. Pauvre Aymar, sur son cœur, les pleurs de son vieux père sont retombés brûlants. Il incline un genou, puis, penché vers la terre, lui jure obéissance et promet ses serments. Qui rendra le vieillard et sa muette étreinte? L'ivresse du bonheur sur sa face est empreinte. Palpitant, il bénit l'espoir de ses vieux jours. Des yeux du fier Aymar s'échappent quelques larmes. Est-ce regret de ces nœuds pleins de charme auxquels en ce moment il renonce à toujours? Le baron dans ses bras le presse. Silence, les reins retentit. Vite partons. Oubliant sa vieillesse, il court. Déjà les reins a répété minuit. La jeunesse au vieillard semble prêter son aile. À travers maint couloir, maint détour sinueux, d'un bond il a gagné la gothique chapelle, où debout à l'autel le chapelain pieux attend du damoiseau la promesse formelle qui précède d'hymen les formidables nœuds. Éperdu, hors de lui, le bel Aymar à peine a reconnu ce lieu qu'éclaire faiblement de quelques blancs flambeaux la lumière incertaine. Témoin mystérieux d'un parjure serment, des arts de l'hymen au malfaisant présage, le temps est nuageux. Sur la cime des monts au loin gronde l'orage, à travers les vitraux siffle le vent fougueux. Sur un riche carreau, placé en prière à genoux tel qu'un ange du ciel, la belle et douce fiancée offre candide et pur son cœur à l'éternel. À ses côtés, Aymar se précipite. Le saint prêtre a béni l'engagement juré. Enfin, le sombre Aymar, qui d'angoisse palpite, a levé sur Alix un regard éploré. Oh, qu'elle est belle ainsi, pâle, à demi tremblante! Il tressaille de joie. Un rayon de bonheur vient éclaircir son front, et son âme inconstante brave l'écho chagrin qui répète malheur. Et cependant, l'éclair rapide, trois fois a sillonné le voile épais des nuits. La foudre sourdement menace le perfide. Heureux, il ne craint rien près de l'aimable Alix. La cour du Nord. À trois jours, châtelain, les fêtes d'Hyménée. À trois jours donc, beau fils, l'accolade est donnée. Le margrave a gagné son bouillant pas le froid. Aymar, ravi d'amour, fier de sa destinée, contient de son Alix la blanche Aquenée, et tout bas ose dire « Oui, dans trois jours à moi ». Le pont-levis s'abaisse et la royale escorte dans les ombres a disparu. Ô sort capricieux! La belle Alix emporte avec elle un bonheur jusqu'alors inconnu. Elle fuit, et Aymar, l'ivresse évanouie, fait place aux vagues troubles, aux regrets soucieux. Il rêve. Dans ses mains, sa tête est enfouie. Mais il est éveillé par les éclats joyeux du seigneur châtelain dont l'âme rajeunit s'épanche à flots d'amour dans des récits oiseux. Désireux de trouver un calme solitaire, le fiancé s'arrache au bras de son vieux père, mais en vain sur sa couche il cherche le repos. Accusant de lenteur l'aurore coutumière, il ira sur la tour attendre la lumière, promenant ses pensées et ses désirs nouveaux. Dans l'ombre il s'achemine, et vers la galerie où dorment les portraits de ses hautains aïeux, l'amant le fiancé porte sa rêverie. Pour gagner sans retard sa tourelle chérie, il lui faut parcourir ses arceaux ténébreux. Il s'avance à grands pas, la lune caressante à travers de l'ogive épand ses feux mourants. Aux surprises, un rayon de sa clarté tremblante frappe à plomb sur un cadre à l'image vivante d'une haute baronne aux riches ornements. Après 100 ans et plus, c'est bien reconnaissable, la dame de Bamberg, dont l'ombre redoutable apparaît à minuit au sommet de ses tours, lorsque de sa maison un membre chérissable de ses jours retranchés va terminer le cours. Ou bien, plus rarement encore, de l'enfant que la mère implore, la dame au voile blanc prépare le berceau, ou fait luire d'hymen le fortuné flambeau. Sous le disque des nuits, cette toile est le seul, brille d'un vif éclat entre tous les portraits. Le bel Aymar s'arrête, et de sa bisaïeule attentif, en détail, il contemple les traits. Soit fantasque terreur d'une âme maladive, le jeune homme est frappé pour la première fois de sa ressemblance excessive à l'objet dont naguère il chérissait les lois. C'est là sa brune chevelure, ce regard séduisant, ce même front hautain, ce visage d'albâtre à la coupe si pure, ce sourire à la fois orgueilleux et mutin, et ce jeu singulier l'étonne. Sa mémoire trop fidèle ramène à flot tumultueux des jours passés l'ineffable histoire. En lui-même, il maudit ce portrait malheureux. Il maudit, mais, ô ciel, ô surprenant prodige, Aymar tressaille, il a cru voir la figure du cadre à l'instant se mouvoir. Son œil noir de courroux rayonne, sa main semble vers lui s'avancer lentement. Est-ce un grave conseil, un ordre qu'elle donne? Rappelle-t-elle Aymar au parjure serment? Un nuage a voilé la nocturne courrière. Comme d'un rêve fuit l'effrayante chimère, Aymar est revenu de sa vaine terreur. C'est une vision, un effet de lumière. Il s'éloigne honteux de sa rapide erreur. Abandonnant la galerie obscure, il a franchi l'escalier tortueux, et de la plateforme il sent la brise pure qui des fleurs du vallon parfume ses cheveux. Des créneaux du nord il domine sur le vaste alentour. Là, le Rhin mugissant lui rappelle l'elfine. Mille noirs souvenirs l'agitent tour à tour. Seul avec sa pensée, il croit sortir d'un songe. Sous le poids du présent, dans l'avenir il plonge. À cette solitude il demande conseil, d'une coupable ivresse au funeste réveil. Que va dire l'elfine, embarrassée près d'elle? Comment se dérober à ses soupçons jaloux? Ô tâche de l'enfer, ô souffrance cruelle, un rien peut allumer son barbare courroux. Et s'il parvient à cacher son parjure, à quelle ville feinte il devra recourir? Feinte de tous les jours, ô destinée obscure, un abîme sans fond devant lui va s'ouvrir. Ah, c'est alors qu'Aymar regrette ses riants jours jetés au vent des passions. Ce bonheur escompté par son âme inquiète, ce cycle tout de fleurs et tout d'illusions. Il sonde dans son âme, ô réveil trop funeste. La chaîne des plaisirs est rompue à jamais, il se l'avoue, hélas. Alix douce et modeste règne en son cœur brûlant, et cet ange céleste lui fait rêver l'Éden et ses chastes attraits. Ah, qu'il serait heureux! Quel sort digne d'envie, si pur de tout remords, de regrets superflus, il pouvait consacrer à son Alix sa vie, couler des jours de paix et de bonheur tissu. Mais non, une autre entravera sa flamme, alléguera des droits plus anciens sur son âme, droits, hélas, fruits amers d'un juvénile feu. À ce malheur prévu, sa raison doit s'attendre, dans le piège imprudent il s'est laissé surprendre. Soupirant, à lui-même il se fait cet aveu. Combien de fois, hélas, sa nourrice chérie, la vieille Marguerite, en tournant son rouet, a dit « Crains, ô mon fils, crains l'elfine jolie, si tu ne veux cueillir à foison le regret. » Et lui riait. De merveilleux, avide, poursuivant le héron au milieu des roseaux, chaque soir il suivait du Rhin le cours rapide, appelant du regard la nymphe de ses eaux. Là, s'il vint ce danger que craignait Marguerite, cette pleine moisson de regrets déchirants, l'elfine un jour parut, ravissante amphitrite, elle adorait Aymar et conquit ses serments. Depuis lors, que de jours écoulés dans l'ivresse. Fière de son pouvoir, la belle enchanteresse avait couvert de fleurs ses éphémères nœuds. Le jeune fils des monts à la fougue bouillante, subjugué, s'endormait sous sa chaîne enivrante. Sans souci d'avenir, Aymar était heureux. Sous la loi du caprice et de la fantaisie, hélas, il ignorait la douce sympathie qui de deux tendres cœurs est le lien divin. Ces deux mois dans un seul que l'hymen sanctifie, pur trésor que souvent l'homme recherche en vain. Ô sort, il a trouvé cette moitié cherchée qu'un jour le ciel pétrit d'un semblable limon, puis qu'il lança de son moi détaché. Il la possède, Alix va partager son nom. Et le beau damoiselle, à la mine rêveuse, sur l'étendue obscure a suivi le chemin, où disparut dans la vallée ombreuse celle qui d'un regard a fixé son destin. Mais l'airain prolongé retentit dans l'espace. La cloche du donjon vient de frapper trois coups. Au jour, la sombre nuit bientôt va faire place. Le crépuscule point de son règne jaloux. Et tout à coup, voilà qu'à son oreille le rêveur croit ouïr d'ailes un battement. Serait-ce encore de la veille une vision folle, un avertissement? À travers les épaisses ombres, sur le fleuve de formes sombres s'abattent fantômes de l'air. De la reine des nuits le flambeau se rallume et dissipant la molle brume, projette sur ce groupe un rayon vif et clair. C'est le Rhin, c'est le dieu de cette onde fougueuse. Son front chenu de jonc est couronné. Sur sa poitrine pend sa barbe limoneuse, l'algot vert chatoyant ceint sa jambe nerveuse. Un sceptre dans sa main de bleu lisse est orné, un char au blanc coursier tel que l'éclair rapide porte le monarque des eaux. Sa fille auprès de lui rase la plaine humide, puis le tout disparaît au milieu des roseaux. Lassé de vision, loin de moi, noir prestige, dit Aymar, mon esprit est atteint de vertige. Oui, contre mes destins, oui, je me roidirai, oui, je saurai cacher à l'elfine ma flamme, puisque de mon alix l'intérêt le réclame. L'angoisse de mon cœur, oui, je la cacherai, je le puis. Des arrêts, le livre redoutable, jamais, a-t-elle dit, n'annoncera le sien. Amour, toi des amants, égide favorable, des jalouses fureurs, garde un objet aimable. Je crains tout pour Alix, pour moi je ne crains rien. Il a dit et se précipite vers l'escalier du donjon ténébreux, et sous le pensée qu'il agite, il a franchi ses détours sinueux. Il traverse l'espace sombre. En face du châssis, à l'altière beauté, il arrive et le voit qui, détaché de l'ombre, offre encore à ses yeux son hôte redouté. De la dame le bras avec lenteur s'avance pour l'arrêter, du cadre elle semble sortir. Le bel Aymar un seul instant balance, puis la main sur ses yeux comme un trait il s'élance, bravant la vision qui le veut retenir. Il a trouvé le repos sur sa couche, mille songes riants ont bercé son sommeil. Nul spectre de malheur, nul fantôme farouche du noble damoiseau n'a hâté le réveil. La chapelle du Vallon. Le soleil a fourni moitié de sa carrière. Aymar entr'ouvre enfin sa pesante paupière. Son cœur est allégé, le destin est pour lui. Le ciel d'un pur azur lui porte l'espérance. Il appelle ses chiens. Déjà l'heure s'avance. Il chasse sur les monts le chamois aujourd'hui. Courez, mes blancs limiers! Parcourez la montagne, bientôt, heureux et fiers d'une belle compagne, je vous verrai livrés à l'indolent repos. Holà, mes blancs limiers, venez à votre maître, du vigile en vespère l'étoile va paraître, soumise à mes côtés, marchons vers les roseaux. Entre les noirs sapins luit la chaste Diane, le vent du soir se tait et ne murmure plus. Et couché sur le banc de mousse et de liane que protège en arceau le roc aux flancs aigus, le beau chasseur attend sa hautaine Ariane, ses fidèles limiers à ses pieds étendus. Bien résolu de dérober sa flamme, Aymar veut murmurer le caressant appel, mais sa voix défaillit, il le sent pour son âme. Oui, de tous les tourments, feindre est le plus cruel. Mais de sa douce Alix, la sûreté l'exige, sur elle tomberait le poignard meurtrier. La tendresse alarmée avec l'honneur transige, il fredonne tremblant le refrain coutumier. Et l'elfine paraît plus que jamais brillante, telle on a peint Vénus sortant du sein des eaux. La nymphe dominant la vague mugissante de perles, de saphirs, la tête étincelante, fière de sa beauté, se berce sur les flots. Mais le charme est rompu. Grimaçant la tendresse, le beau chasseur a l'enfer dans son cœur. Au loin a fui la confiante ivresse. Le temps se traîne, Aymar l'accuse de lenteur. Enfin l'heure du départ sonne, heure jadis témoin de regrets douloureux. La lune au firmament d'un vif éclat rayonne, et des amants vieillis éclairent les adieux. À demain, À demain, l'écho du mont répète ces mots jetés au caprice des vents. La nymphe fuit, aimard point ne tourne la tête. Ô destin, tu créas les mortels inconstants. Et demain à trouver la demeure gothique de joyeuses clameurs saluant le matin. Page, archer, varlet, somptueux domestique, pas le froid apparat rangé sous le portique, attendant le regard du seigneur châtelain. Et demain à trouver, chassant avant l'aurore, le bel aimard qui fuit en importun pensée. Il arpente les monts, va, vient, sans se lasser, rappelle ses limiers, puis les relance encore, et dans un val ombreux finit par s'enfoncer. L'astre géant derrière la montagne a caché la moitié de son disque empourpré. L'ombre déjà s'étend sur la campagne, des derniers feux du jour le couchant est doré. Le bel aimard, lassé par le chamois rebelle, jette sur l'alentour un regard curieux. Au versant du coteau s'élève une chapelle qui, solitaire, appelle l'hymne reconnaissant du pèlerin pieux. Près de ce lieu sacré, coulant limpide et pur, une source abondante en cascade murmure offre aux hôtes des bois son cristal bienfaiteur. Là, de vieux pins chenus couvrent de leur verdure un siège hospitalier, repos du voyageur. À la claire fontaine, le chasseur s'est désaltéré. Puis il s'assied. Son regard se promène sur le ruisseau fuyant dans sa course égarée. Enfin, le souvenir chez lui commence à naître. Ce méandre enchanteur au frais et vert gazon est non loin d'un château qu'il ne peut méconnaître. La tour des murs princiers s'élève à l'horizon. À ce penser, son cœur palpite. Une image chérie a fait battre son sein. Un sentiment confus l'agite. Il se lève, s'éloigne. Incertain, il hésite, puis à tourner ses pas vers le porche divin. Entraîné par la voix qui dans son cœur commande, sur le mystique seuil, aimard s'est élancé. Aux surprises, à l'autel apportant son offrande, un spectre en voile blanc à genoux est placé. Étonné, stupéfait, le jeune homme s'arrête. C'est la baronne. Au ciel, sa pâle main s'apprête à couronner la madone de fleurs. « Fuyons, a dit aimard, l'ombre tourne la tête. Non, ce n'est point la dame augure de malheur, c'est elle, son Alix, au bonheur, aux surprises. C'est Alix à genoux devant le saint autel. Une gothique duègne à deux pas d'elle assise tourne dévotement les feuillets d'un missel. Éperdu, mille fois plus amoureuse encore à l'aspect ravissant de l'objet qu'il adore, timide par la crainte et l'amour balancé, le jeune homme combat le feu qui le dévore, veut fuir et puis demeure au portail enlacé. Mais en vain le désir auprès d'Alix l'appelle. Le respect, compagnon du véritable amour, en despote l'arrête au seuil de la chapelle, de mille sentiments agités tour à tour. Oui, c'en est fait, loin de voler près d'elle, il le doit, il fuira la douce jouvencelle. Oserait-il troubler, se montrant à ses yeux, le saint recueillement de cet ange des cieux? Du fiancé discret, la tendresse s'alarme, il s'éloigne, il a fui, plus épris désormais, tout entier sous le charme du riant avenir qui s'ouvre devant lui. Distrait, il marche encore. Le soleil plune luit à la cime des monts. La lune s'est levée et comme un météore de son disque sanglant éclaire les vallons. L'ombre qui recouvre la plaine rappelle au beau chasseur le devoir qu'il entraîne. Du Rhin au cours fougueux il a touché les bords. Mais non plus comme hier, non. Cette fois il porte au rendez-vous une âme forte qui pour tromper le joug braverait mille morts. Un jour de feinte encore, dit-il, un jour loin d'elle. La nymphe n'oserait porter sa main cruelle sur Alix, une fois qu'une chaîne éternelle à l'amoureuse aimard unira son destin, un jour de feinte, un jour à sa flamme infidèle, puis près de son Alix, oui, tout entier demain. Il a gagné la roche, il est tard, et l'elfine doit accuser sa coupable lenteur. Eh, qu'importe l'accueil que le sort lui destine, d'aujourd'hui le courage a doublé dans son cœur. Le hurlement plaintif de ses limiers fidèles annonce la reine des eaux. D'un pied indifférent, elle effleure les flots. Ses lèvres de corail sont au sourire belle. Ses yeux demi-baissés errent sur les roseaux. Son front est dédaigneux. Touchant la verte plage, elle aborde et se tait. Tel le sombre nuage précède l'ouragan au sinistre ravage. Enfin son fier courroux comme la foudre à lui. Depuis quand ces retards, ces froideurs, cet ennui? Aymar est resté calme, impassible à l'orage. Il prétexte un départ nécessité pour lui. Quelques jours il lui faut, au loin, par bienséance, de son vieux père accompagner les pas. À ces mots, la nymphe lui lance un regard d'où jaillit la colère en éclats. De toute sa hauteur mêlée, elle se dresse, soupçonne, accuse, voit son amour parjuré. Elle menace, invoque sa tendresse. Malheur à lui s'il fausse sa promesse, s'il enfreint le serment à ses pieds tant juré. Malheur si tu trahis celle qui t'idolâtre. Malheur, Aymar, malheur à toi. Vois ce pied qui d'ivoire effacerait l'albâtre quand il paraîtra. Pense à moi. Effrayé malgré lui de ce brûlant délire, Aymar balbutiant apaise ses transports. Et quand le mot amour sur ses lèvres expire, l'altière nymphe croit qu'il regrette ses torts. L'heure légère fuit. Sur la terre les ondes, le bienfaisant Morphée épand ses doux pavots. Aymar gravit le mont. Dans ses grottes profondes, la nymphe soupçonneuse a cherché le repos. Le palais des eaux. À 100 pieds au-dessous de la plaine liquide, de la fille du Rhin, déité de ses bords, est le palais splendide qui de tous les climats renferme les trésors. L'art magique assembla pour parer ses murailles ce que la terre enferme en ses vastes entrailles de plus beau, de plus rare et de plus précieux. L'or, l'argent et l'azur en lames le tapissent. D'enivrantes senteurs des fontaines jaillissent, arrosent en filets cet éden radieux. Là brille le saphir, la topaze étincelle, l'escarbouche enflammée épand son vif éclat. L'émeraude sourit à la rose nouvelle, le rubis à la perle unit son incarnat. Là, 100 jeunes beautés aux longues tresses blondes, fleurs à leur doux matin, obéissent aux lois de la fille des ondes, peuple frais et léger de l'empire marin. Là, dans des trépieds d'or, les présents de l'Asie exhalent nuit et jour leurs parfums odorants. Là, des mets les plus fins, une table choisie. Là, ces cubes, kios, falernes et malvoisies, épanchent à longs flots leurs nectars enivrants. Et là règne sans cesse un éternel printemps. Au sein de ce palais, pâle, mélancolique, la belle reine tient la verge symbolique. Son front de nuages couvert est à demi penché sur un livre entr'ouvert. Attentive, elle lit et s'enflamme à mesure qu'elle parcourt les arrêts ténébreux. Elle se lève enfin, détache sa ceinture et trace en murmurant un rond mystérieux. Son pied d'albâtre nu dans le cercle magique, en langage cabalistique, la nymphe a proféré les mots les plus puissants. Vers l'Orient 3 fois tournant son beau visage, 3 fois de l'Occident saluant le rivage, elle agite à 3 fois le coudrier au vent. Silence, le charme s'opère. Minuit sonne, heure de mystère, qui des morts ouvre les tombeaux. 3 fois de son pied nu elle frappe la terre, et d'une voix terrible elle exhale ces mots. Lune, amante du mystère, astre flambeau de la terre, météores embrasés, vents ministres des orages, foudre éclair, fléau ravage, dieux infernaux paraissez. Et le plafond brillant avec fracas s'entr'ouvre, et le flot retiré laisse entrevoir les cieux. D'un nuage sanglant la lune se recouvre, les astres ont perdu leur éclat lumineux, le vent mugit. La terre tremble, l'elfine redouble ses cris. Vous que j'évoque tous ensemble, paraissez nocturnes esprits. Divinité des froides ombres, épousez mon bouillant courroux, sortez de vos demeures sombres pour me venger, empressez-vous. Servez, servez ma juste rage, ombre, paraissez sans retard, dans le sein de l'amant volage, portez la torche et le poignard. Oui, oui, que la torche embrasée consume ce cœur inhumain, que la main dans sa main pressée par la mort se glace soudain. Oui, que sur lui la foudre éclate, déesse au noir enchantement frappe. Mais non, ô formidable Hécate, par tes charmes vers moi rappelle mon amant. Déjà des noirs esprits la phalange égarée envahit le palais, séjour des doux plaisirs, prête à servir sa reine aux soins vengeurs livrés, à voler au-devant de ses cruels désirs. Et l'elfine s'arrête à l'aspect effroyable de la troupe arrachée au formidable bord, de ces démons hideux à forme épouvantable, un à un arrivant de l'empire des morts. Elle s'irrite. « Et quoi, malheureuse ? » dit-elle. « Et quoi ? Mon arme serait-il rebelle ? Pour ramener un infidèle, dois-je évoquer les esprits infernaux ?» Sur un pan de cristal, elle a porté sa vue. Pâle, cheveux épars, de fureur éperdue, elle ne connaît plus ses traits, toujours si beaux. Tel que l'éclair rapide d'une vive pensée semble lui découvrir un horizon serein. Sur son front souriant, elle passe la main. Des esprits ténébreux la phalange est chassée. Doucement, par trois fois, sa baguette abaissée aux éléments fougueux rend le calme soudain. Une vapeur légère, semblable au flot dansant, la couvre tout entière. De ce lieu, les mille flambeaux s'éteignant tout à coup attestent sa puissance. La sombre obscurité, compagne du silence, règne dans le palais des eaux. Aymar a regagné la roche sourcilleuse. Tout repose déjà dans le noble manoir. Assis seul au milieu de la grande salle ombreuse, le chasseur harassé prend le repas du soir. Un lustre au triple bras d'une pâle lumière éclaire faiblement le nocturne festin. Deux pages de varlet l'escorte coutumière sur un signe à quitter le service au déclin. Le vieux sommeiller, seul, près de son jeune maître, reste et semble vouloir deviser en secret. Le brave Hubert l'a vu naître, l'aime comme son fils, d'amour tendre et discret. Il parle. Aymar, distrait, à se lever s'apprête. Mais Alix est nommée, au loin est le sommeil. Le vieillard est verbeux, peu l'amant s'inquiète. À demain le départ, demain quel doux réveil. Mais Hubert s'assombrit à la fête adorée, un tableau moins riant vient se joindre soudain. Cette nuit sur la tour de ses joyaux parés, la dame blanche s'est montrée. L'un a dit, agitant un blanc voile de lin, l'autre, la voix du vieillard est tremblante. Il se tait. Mais Aymar interroge de l'œil, l'autre, ah, mon doux seigneur, j'en frémis d'épouvante. D'autres disent, tenant un long voile de deuil, « Ce n'est point tout encore. Votre noble bannière fut trouvée, abattue au sommet du donjon. Ce matin détachée de sa place ordinaire, sur la dalle gisait l'écu de la maison. » Aymar a ri d'abord, puis, bienveillant, rassure le vénérable serviteur. « Va, dit-il, bon Hubert, la bénigne nature ainsi n'annonce point aux mortels le malheur. Chasse, chasse, crois-moi, cette folle chimère. » Mais surtout, garde bien que, près de mon vieux père, ces mensongers récits n'arrivent imprudents, inquiétés par eux que son repos s'altère. La vieillesse soupçonne et croit aux revenants. Va, le ciel est pour nous. Demain l'aube brillante nous trouvera loin de ces murs. Demain, ce mot est ménivre et m'enchante. Excitant d'un flambeau la flamme vacillante, Aymar s'est élancé dans les couloirs obscurs. Le jour des noces. Sur un ciel bleu que l'aube caressante déjà blanchit des premiers feux du jour, la bannière de Staub se déploie éclatante au sommet de sa haute tour. Blanche à la double croix de gueule écartelée de quatre lions orgueilleux, au souffle du matin elle s'est déroulée et flotte en bruissant sur les créneaux ombreux. Déjà la cour d'honneur d'une foule est emplie, des roses en feston ornent partout les murs. Le rameau vert, sous la guirlande, plie et s'attache au contour des portiques obscurs. Tout respire en ces lieux, et le luxe et l'ivresse. L'écu couvert de fleurs porte un chiffre adoré. Le somptueux manoir de sa jeune maîtresse célèbre l'hymen désiré. Là, chacun l'aime. Tous, vieux ou jeunes, près d'elle ont trouvé soin, appui, secours et tendres ailes. Et dès ses premiers ans, elle fut l'ange pur qui, déployant son aile, sur le pauvre épandit des bienfaits incessants. Oh, quel cœur radieux, bachelette candide, suivra tes pas au pied du saint autel, bénira tes destins et sur ton front placide, ardent, appellera les dons de l'Éternel. Puisse le tendre amour tresser sa belle vie de myrte toujours vert, puisse, digne d'un sort qui de tous fait l'envie, la flamme de l'époux affronter les hivers. Ainsi disait la foule à mesure croissante. La cavale heurtait le riche palefroid. Le destrier bouillant à la croupe écumante déposait son fardeau sous la tour du beffroi. Puis la lourde basterne aux lampas magnifiques, aux coursiers panachés, aux grelots argentins, lentement s'avançait jusqu'au pied du portique. Puis, sous son double poids, la mule pacifique déchargeait humblement son cavalier mutin. Partout, tumulte, bruit, fracas, chants d'allégresse, puis au dehors, vilain, menu peuple en liesse, tous couverts de rubans, attendant à leur tour le recri de largesse, le semis de doublons que leur promet ce jour. Dans une vaste chambre à la riche tenture, livrée aux soins coquets d'un bourdonnant essaim, Alix laisse à loisir composer sa parure. Et sous des flots épais de gaze et de satin semble une Galatée à son premier matin. Le temps presse, déjà sur sa tête innocente le voile nuptial aux blanches fleurs s'unit. Dire les doux pensées de la vierge charmante quand le flambeau d'hymen à sa fenêtre lui. Quoi, révéler du cœur le mystérieux rêve, tout cœur de jeune fille à son rêve chéri. Eh bien, celui d'Alix délicieux s'achève. Aymar est le mortel du rêve favori. Elle rêva bonheur, constance, sympathie, et dans les yeux d'Aymar elle a vu tant d'amour. Amour, a-t-il dit, pour la vie. La Vierge a répété ce serment à son tour. Comme le tendre lierre à tout jamais s'enlace à l'amoureux ormeau, la rose du manoir au fils de noble race unit son avenir par-delà le tombeau. Mais tandis qu'en ce songe, Alix reste bercée, ces femmes ont posé la couronne d'hymen. Au milieu d'une foule à lui plaire empressée, le bel Aymar attend sa fiancée. Entouré des amis du comte de Ruthven, nulle pensée de malheur ne trouble son ivresse. Le ciel est pur, une erreur de jeunesse ne lui peut attirer le céleste courroux. Dans ses bras rayonnant, son vieux père le presse. Il l'a béni ce matin à genoux. Oh, qu'elle est belle, Alix, sous son vaporeux voile. Ainsi du nautonnier brille soudain l'étoile qui lui montre le port. Tel regard d'Aymar par elle affiancée. Toute une vie avec elle passée, vivre et mourir ensemble, ô trop fortuné sort. Ainsi que du soleil, père de la lumière, l'absence au vin mortel amène les terreurs. Son retour annoncé par l'aube coutumière soudain dissipe l'ombre et rassure les cœurs. Le ravissant aspect de celle qu'il adore chasse loin de l'amant l'avenir redouté. Quel souci ne fuirait devant la vive aurore qui promet à ses vœux tant de félicité. L'autel est prêt, l'encens précieux fume, la lampe d'or combat les feux brillants du jour. D'un nuage odorant l'enceinte se parfume, l'orgue aux graves accords soupire un chant d'amour. Le pontife paraît, l'hostie est consacrée. Ô mystère ineffable, ô radieux moment, l'interprète des cieux étend sa main sacrée sur le couple charmant. C'en est fait, l'union est à jamais jurée, le saint prêtre a béni le mutuel serment, et la paix a régné sous la voûte gothique. Nul tonnerre lointain n'a troublé l'immense cœur qui s'exhale bruyant du féodal portique. Chaque voix, chaque écho semble crier « Bonheur !» L'époux est triomphant. Du regard il dévore l'ange auquel pour jamais ses destins sont unis, tandis que la pudeur de ses roses colore le front candide et pur de la charmante Alix. Dans la salle d'honneur le cortège s'élance. Au festin nuptial les hôtes sont assis. La troupe des jongleurs joyeusement s'avance. Les flûtes, les hautbois ont rompu le silence, appellent la liesse et provoquent les ris. La coupe circule pleine du vin le plus généreux. Le germain, tout d'une haleine, vide le hanap fumeux. Le riche flacon se brise, dédaigné, vole en éclats. Démarre la coupe aux surprises, seule ne s'épuise pas. Jalousie. Près du vieux châtelain placé, en face de l'époux est la douce épousée, riche de ses attraits comme un ciel de printemps. Mais qui peut des humains sonder les sentiments? Qui peut suivre du cœur la mobile pensée? Aymar naguère heureux depuis quelques moments sombres, inquiets, Dalix suit tous les mouvements. Debout derrière elle, écuyer fidèle, un page brillant semble de la belle l'amoureux servant. Quel est ce beau page aux yeux azurés, à la mine sage, aux cheveux dorés? Est-il du margrave l'humble serviteur? Son air fier et grave sent le haut seigneur. Sa casaque au fond d'or d'émeraude chargée est son nul écusson. Sa toque vert de mer d'une plume ombragée non n'est point aux couleurs de la noble maison. À la charmante Alix il verse l'onde pure. Lui seul emplit sa coupe à riche ciselure. À lui seul tous les soins compagnons de l'amour. « Vrai Dieu, se dit Aymar, que l'heure ici me dure, de Stolzberg que ne puis-je avoir gagné la tour. Vrai, ce maudit page, si me déplaît fort, il n'est point, je gage, enfant de ce bord. Cet humble servage cache quelque outrage, quelque fol dessein. Malgré moi la rage agite mon sein. Oui, j'en jure, fût-il du plus noble lignage, ce mignon damoiseau, je le chasse demain. » Et l'œil du bel Aymar de courroux étincelle. Ce n'est plus ce regard à la fois fier et doux qui disait « Mon Alix, que tu me sembles belle ». Et quoi? Déjà l'amant a fait place à l'époux? Aux vapeurs du festin, quoi? Cette flamme enfuit? Alix ne trouve plus ses traits de sympathie, ses éclairs d'un bonheur sans mesure et sans fin. Point elle ne connaît là de la jalousie, ce froid si ressemblant à l'insultant dédain. Pauvre Alix, elle reste inquiète, saisie. Un nuage léger couvre son front divin. Mais le bel étranger disparaît dans la foule. Le toquet ruisselant à large flot d'or coule, met au défi le faible et triomphe du fort. La colère d'Aymar comme un songe s'écroule. Honteux et repentant de son jaloux transport, l'époux boit maintenant son hanap à plein bord. Et du beau front d'Alix, le nuage s'efface. C'est son Aymar encore plus tendre que jamais. Mais le festin s'échauffe et les dames font place au toast enfant joyeux des propos indiscrets. Dans une immense galerie aux pilastres chargés de riches ornements, où serpente en contour une estrade fleurie aux degrés recouverts de tapis de Turquie, saltimbanques, jongleurs et joueurs d'instruments, allées bohémiens aux étranges figures, sautillant battleurs aux mille bigarrures, attendent le signal des divertissements. « Dame, dit une fille aux longs cheveux d'ébène, au chaperon conique d'oripo chamarré, à la jupe écarlate où brillant se promène le zodiaque entier dans un cercle doré. Dame, si tu m'en crois, garde-toi de l'étoile qui, levée au couchant, perce des nuits l'impénétrable voile. Avec ton astre, elle est en combat permanent. Son levant perplexe lui rebourre à tort, son midi bisexe abîme son fort. La belle Alix sourit à la brune bohème, cet étrange idiome est pour elle amusant. Le sexe est curieux, dit-on, jusqu'à l'extrême. Alix est femme, jeune et sans détour, elle aime. Soit, dit-elle, viens ça, mon avenir disant. L'égyptienne tient la main blanche et mignonne, de ses linéaments elle suit les contours. Si la ligne de vie au plus ou moins long cours, là des chagrins jaloux cette ligne enfoisonne, dans ce triangle aigu les volages amours. Ici, sa voix plus basse avec chaleur devise, le visage d'Alix est rembruni soudain. Elle cherche de l'œil le miroir de Venise qui si jolie encore la montrait au matin. La Sibylle poursuit, pour augmenter ses charmes et fixer à jamais les amours inconstants, il les défiltre, elle en possède. Leur charme conserve à toujours l'épouse en son printemps. Elle a dit, dans sa main une fiole brille, formée de sucs cueillis sur des monts inconnus, sans ducat ne pourrait, dit la noirâtre fille, payer cet élixir aux magiques vertus. Sans ducat, un remède au repos si prospère, un rayon de bonheur surpris par l'étrangère dans les beaux yeux d'Alix comme un trait à passer. Elle tremble, rougit, enfin son aumônière livre de vin jaseur de l'or à flots pressés. Elle tient le flacon à la liqueur limpide. « Où le cacher ? » dit-elle, et dans son sein timide, sous les plis du satin, le flacon s'est placé. Puis, honteuse bientôt de son erreur profonde, Alix, sûre d'Aymar, condamne ce dessein. Et pourtant, si jamais, sa belle tête blonde s'incline en soupirant sous un fantôme vain. Aymar s'est éclipsé. Assis près de sa mie, il savoure à longs traits un tranquille bonheur. Chaque instant, son Alix lui semble plus jolie, belle de ses attraits, belle de sa pudeur. Son voile maintenant simple dans sa parure. Un blanc feston de fleurs seul orne ses cheveux qui retombant bouclés sur sa fraîche figure, la cachent à demi sous leurs flots onduleux. Mais l'astre du banquet s'éteint. La galerie des convives joyeux est tout à coup remplie. D'un essaim de beauté les degrés sont couverts, et le fier banneret que nul serment ne lie, bientôt sans y songer, trouve d'amoureux fers. Le divertissement commence, le lait naïf des luttes s'élance, le trouvère du nord ou l'enfant du midi, se levant tour à tour cadence, la ballade plaintive ou le tinson hardi. Et quoi ? Des chants encore d'une voix chevrotante, un vieux jongleur blanchi dans l'art du gai savoir, sur son aigre rebec à son discordant chante, le lait que balancé sur la vague écumante, le pêcheur amoureux fredonne au vent du soir. Le printemps vient de sourire, la brise tendre soupire au matin. Belle aux petits pieds d'albâtre, le zéphyr jeune et folâtre, idolâtre ton minois frais et mutin. Où vas-tu, vierge chérie, cherchant l'épine fleurie sur le mont? Veux-tu sur ta blonde tête enlacer la violette que l'herbette cache à l'autant furibond? Dis, où vas-tu, jouvencelle? Imites-tu l'hirondelle qui s'enfuit des climats lointains éprise, alors que souffle la bise et méprise le soleil d'hiver qui luit? Douce et gente jouvencelle, rose à la fraîcheur nouvelle, aime-moi. Tu porteras ma couronne, oui, ma foi, je te la donne, ma mignonne, et ne veux aimer que toi. Point mon cœur n'ambitionne, non, beau sire, ta couronne, ni ta foi. Il est un berger que j'aime, et je veux pour diadème la fleur même qu'au champ il cueille pour moi. Va, crédule jouvencelle, berger que tu crois fidèle et trompeur, il aime ailleurs le volage, une autre que toi l'engage, a le gage que tu surprends à mon cœur. J'aime. Au dehors, un bruit étrange interrompt du jongleur le chant à son déclin. C'est de voix d'instruments un bizarre mélange. Le bruit s'approche et de nature change. C'est marche et mélodie, et la portière enfin s'ouvre aux nouveaux venus. Devant eux l'on se range. C'est viol, hautbois, flûte, cor, tambourin, puis mime, timbalier, en humeur de liesse. Cette masse bruyante en se divisant laisse voir une brune fille aux merveilleux attraits. Elle paraît à tous commander en maîtresse. Un signe impérieux écarte ses sujets. Serait-ce la fantasque reine qui, dit-on, règne en souveraine sur la tribu volage aux nomades instincts, riche d'or et de ciselure, un poignard luit à sa ceinture, passe de son côté dans ses mignonnes mains. La brune circa. Paix, balade, harpe, silence, avec circa par l'étoile de la danse. On fait cercle alentour de la belle au teint noir, qui sur ses pieds mignons mollement se balance, semble dire « Admirez, je veux me faire voir ». Jamais rien de joli comme l'égyptienne ne parut au milieu des rangs bohémiens. Ses yeux lancent l'éclair et dévorent la reine. Ornement de son front, ses longs cheveux d'ébène tressés sont retenus par d'amoureux liens. Sa joue au fin duvet légèrement pourprée semble un fruit coloré sous les astres perçants. Sa bouche au frais sourit d'un vif corail paré montre la blanche perle en deux remparts mouvants. C'est le palmier, c'est la gazelle à la taille élancée au souple mouvement. Son costume la rend plus belle, de l'Inde elle emprunta ses riches ornements. Sur sa jupe au fond noir de mille feux nués, la coquille des mers serpente comme aux cieux la fantasque nuée du chatoyant béryl reflète les éclairs. Un même cercle d'or à la trempe nacrée enserre les contours de ses bras arrondis, puis une longue écharpe en feston diapré fait de cette merveille une changeante iris. Au maître du logis, suivant l'usage antique, elle adresse d'abord le salut commensal, elle s'incline, puis son tambourin mimique à l'orchestre nomade a donné le signal. C'est un pas d'outremont que la belle balance, c'est le fandango gracieux. Une lente et molle cadence attire tout d'abord et captive les yeux, puis bientôt la mesure appelle la légère danseuse au jeté bondissant, à la brune circa Zéphyr prête son aile, ses petits pieds mignons disparaissent sous elle, elle voltige au bruit des applaudissements. Dans la salle circule un vif et long murmure, l'assemblée applaudit la charmante tournure, les mouvements, les traits, la piquante figure, de l'attrayante Almée aux attraits séducteurs. Les dames grandement admirent sa parure, le reste ne vaut point des transports si flatteurs. Aymar est devenue silencieuse et sombre, le jour à son déclin va faire place à l'ombre. D'un présent de bonheur ses pensées arrachées semblent le menacer d'un destin qu'il ignore. Un malaise subi, inconnu, le dévore. Sur la belle Circa, ses yeux sont attachés. Il cherche, s'il n'est point dans la brune bohème, pour l'objet de ses feux bien plus que pour lui-même, d'un malheur à venir quelque signe certain. Sous le jupon brillant de la fille folâtre, comme l'ombre il crut voir passer un pied d'albâtre, la danseuse sur lui lance des yeux mutins. Et la charmante Alix a saisi ce manège. Cette fille prétend au cœur de son époux. Elle devient rêveuse et sur son front de neige le fantasque soupçon jette un voile jaloux. Mais la danse se reprend plus rapide et plus vive. Le tambour à grelots résonne sous ses doigts. Tantôt passionnée et d'autres fois craintive, la fille de Cypris donne ou reçoit des lois. Cette œillade sourit et mines agaçantes, comme d'ardents éclairs sans nul répit lancé, pirouette rapide et pose séduisante, ou telle qu'en défilait les cœurs sont enlacés. Puis, déroulant bientôt une scène nouvelle, le tambourin bruyant abandonne ses mains. À son tour le poignard, lui, menace la belle. Le tournant vers son cœur, la sylphide cruelle semble vouloir d'un coup trancher ses beaux destins. Enfin le drame se termine aux éclats du viva mille fois répété. La folâtre protée à la grâce mutine a replacé le glaive à la trempe assassine, et de terreur encore le cercle est agité. On s'assemble à l'entour de la magicienne, qui des feux de l'amour embrase tous les preux. Seul Aymar reste froid à l'attrayante scène. Un importun soupçon sans cesse le ramène vers un groupe placé dans un recoin ombreux. Depuis longtemps il croit y reconnaître le page langoureux que durant le festin il vit tout à coup disparaître alors qu'il excitait son amoureux chagrin. C'est lui. Sur son Alix son grand œil se repose, attaché son regard sur cet objet si cher. Aymar étouffe, il faut qu'il respire un autre air. Rapide, il s'est levé. L'arrêter, Alix n'ose, et l'époux fuit courbé sous un dépit amer. Aymar s'est dirigé vers l'étroite terrasse, suspendue au rebord du rocher sourcilleux. De ses vagues soucis, il va cacher la trace, réfléchir ou chasser des vertiges fâcheux. C'est l'heure où de la nuit le cortège s'avance, du soleil fugitif le disque s'est caché. Le crépuscule ombreux sur la plaine balance son voile de vapeur mollement épanché. Déjà des monts voisins il dérobe la cime, les ténèbres bientôt succéderont au jour. Le doux parfum des fleurs s'élance de l'abîme, l'oiseau joyeux redit un dernier chant d'amour. Aymar ému, frappé de ce concert sublime, sent son âme s'ouvrir au bonheur à son tour. Le silence du soir et la brise embaumée ramènent par degrés le calme dans son cœur. Il se blâme, s'en veut, et de sa bien-aimée se prend à rappeler l'adorable candeur. Oui, se dit-il, il faut que la franchise habite sous le toit de deux tendres époux. Ce seul trésor loin d'eux éloigne toute crise, chasse la méfiance et le soupçon jaloux. Et vers un fol passé, sa mémoire l'entraîne. Un tableau rembruni trouble son avenir. Alix peut découvrir sa liaison ancienne, sa tendresse pour lui soudain s'évanouir. L'elfine même peut porter à son oreille le malveillant récit de serment parjuré. Et si le froid dédain chez son Alix s'éveille, perdre l'amour d'Alix aux douleurs sans pareil, son estime aux supplices, aux tourments abhorrés. Non, lui-même dira sa juvénile flamme, l'impérieux penchant qui domina son âme, de la fille des eaux le charme séducteur. Les jours, les mois passés dans le sein de l'erreur, il dira tout, il n'aimait point l'elfine. Mais il était capté par sa grâce mutine. Jeune, il tendait son front au fer de deux beaux yeux. Dans le secret du cœur novice, ensemble ils confondaient l'amour et le caprice, et reconnut trop tard un piège dangereux. En revanche, il voudra que son Alix chérie lui raconte quel est ce bizarre étranger, ce beau page mignon plein de coquetterie qui, hors elle, en ce lieu semble à tout étranger. Mais non, Alix n'a point de secret, et son âme est limpide, il le sent comme le pur cristal. Fruit précieux de la première femme, elle porte le sceau sur son front virginal. Non, de ses jours sereins comme un beau jour de fête, jamais des passions la fougueuse tempête n'obscurcit le cours fortuné. Simple rose des champs, elle n'est point coquette. Que fait d'un damoiseau la fadeur inquiète, le regard imprudent, l'abord passionné? Fleur à son frais matin, sa tendre Alix ignore cet art si dangereux qui, d'un sexe divin, fait un fier conquérant que son répit dévore le désir de donner des fers au genre humain. Non, non, plus de tourments, de folles jalousies. Au loin, fuyez soucis et chagrins acérés. Fuyez, fuyez. L'époux désormais vous défie de troubler maintenant ses esprits rassurés. Libre, débarrassé d'une crainte importune, Aymar, bercé d'amour, se fie à sa fortune. Dans les ombres du soir déjà brille la lune. Quelques instants encore, triomphant, glorieux, il va conduire Alix au château de ses pères. Là seulement à lui, sous l'ombre des bannières, du gothique manoir où dorment ses aïeux. Le filtre. Alix est demeurée à sa place, rêveuse, triste, inquiète, elle ne peut, hélas, près du vieux châtelain, de ses craintes honteuses, demander où l'époux a dirigé ses pas. C'est alors que revient comme un vague problème l'horoscope maudit de la noire bohème et ses prédictions qu'elle accusait tout bas. Aurait-elle cessé d'être agréable et belle aux yeux de son Aymar? Quoi? Déjà serait-il à ses nœuds infidèle? De la mime circa doit-il suivre le char? Et son sein agité de douleur se soulève. Hélas, doit-il s'enfuir ce délicieux rêve, Éden de son premier printemps? Une larme furtive échappe à sa paupière. Mais soudain, au trait de lumière, il est un sur-remède à ses cruels tourments. Un souvenir vainqueur lui présente le charme qui doit lui garantir l'amour de son époux, le filtre merveilleux qui, don de beauté, charme à tout jamais l'objet dont le cœur est jaloux. Sur son beau front renaît la rose. Elle porte la main à la place où repose le précieux trésor. Elle balance, veut, puis défiante, n'ose essayer la liqueur achetée à poids d'or. Elle combat le désir qui l'oppresse, mais en vain tyrannique il domine son cœur. Non, elle veut devoir à sa seule tendresse ce bien tant désiré, gage de pur bonheur, l'amour de son époux, son éternelle ardeur. Le jour a fui devant le crépuscule pâle, le lustre aux bras massifs chasse l'obscurité. Du margrave attestant la grandeur féodale, les épices, les vins circulent dans la salle, des convives nombreux excitent la gaieté. Sur des plats dont le prix seul au travail le cède, la canne a pris du fruit forme, teinte et saveur. Le dieu qu'adore l'Inde au friand intermède prodigue souvent non son nectar enchanteur. Les seins des serviteurs tumultueux s'agitent, offrent la riche coupe ou le brillant drageoir. On se lève, on se mêle, on se cherche, on s'évite. L'étiquette s'enfuit sous les voiles du soir. Et plus d'un banneret orgueilleux satellite gravite autour de l'astre au séduisant pouvoir. Mais tandis que Circa règne de par la grâce et règne de par la beauté, au milieu des amants que son adresse enlace essaie un nouveau pas, un bondissant jeté, tandis que la danseuse à la taille flexible prélude un boléro mollement balancé, à tout ce qui l'entoure Alix est insensible. Son regard inquiet sur la porte est fixé. Qui peut tant retenir le bel aimar loin d'elle? Quel soin l'emporterait sur les doux soins du cœur? Qui peut? Oh, que l'esprit pour opprimer recèle de fantasques tourments et de vagues douleurs. Enfin le noble aimar reparaît à la fête. Son beau visage annonce une âme satisfaite. Mais ainsi l'a voulu le maître des destins. Libre de tout soupçon, sans le vouloir, il jette un rapide coup d'œil sur deux groupes lointains. Plus de pages étrangers à la mine rêveuse, à l'amoureux regard. Aymar respire, et la brune danseuse, qui sans le définir lui semble dangereuse, de louanges et d'encens se répète à l'écart. Tout lui rit, mais du sort, ô trahison perfide, Alix, Alix a vu ce regard si rapide, vu ce premier regard par l'amour réclamé, au désespoir, jeté sur la noire sylphide, confirme les soupçons de son cœur alarmé. C'en est fait, elle acquiert l'assurance fatale des volages malheurs par son astre prédit. Plus de doute, étourdie, elle est tremblante et pâle, le fantôme odieux d'une heureuse rivale égare sa raison et trouble ses esprits. Un page à cet instant est debout devant elle, lui présente une coupe au nectar précieux. Un souvenir sauveur tout à coup se révèle, le filtre, ce trésor, ô pensée lumineux, au secours bienfaiteur, et de son sein la belle a retiré soudain le flacon merveilleux. Le danger est pressant et l'heure est décisive. Alix jette autour d'elle un regard de terreur, et comme une coupable éperdue et furtive, verse dans le cristal la magique liqueur, puis avale d'un trait le breuvage vainqueur. Heureux, tranquille, Aymar vers son Alix chérie s'avance rayonnant de bonheur et d'amour. Mais, ô ciel, ô surprise, étrange fantaisie, c'est Alix maintenant qui l'évite à son tour. Ses beaux yeux si sereins se troublent à l'approche de l'époux adoré. Elle pâlit, tressaille. Est-ce un grave reproche que médite en secret son cœur désespéré? Profitant du loisir causé par son absence, quelque vil envieux a-t-il eu l'imprudence de s'armer contre lui d'un médisant venin? Ainsi se dit Aymar, et plus il ne balance, il va sans nul détour confesser son destin. Alix, douce chérie, et le front de la belle a peint au même instant et le trouble et l'effroi. Alix, elle se lève, ô surprise nouvelle, elle fuit, fuit l'époux qui possède sa foi. Ô malheureuse Alix, c'est la coupe de haine que tu viens d'épuiser, hélas, breuvage préparé par la rage inhumaine, plus cruelle mille fois que le cruel trépas. Elle fuit, sur sa trace, Aymar se précipite. Arrête, ô mon Alix, c'est moi, c'est ton époux, arrête, au nom du ciel, quel vertige t'agite! Alix n'écoute pas. un fantasque courroux. Arrête, ne crois point des mensonges jaloux. Alix, plus vite encore, sa course s'accélère. Elle a franchi d'un bond les cours le pont-levis. Tel aux yeux du chasseur fuit la biche légère à travers les guérets, les bois et les taillis. Alix, prends garde, Alix, ton pied froisse l'épine. Sur ces cailloux aigus ne marche point grand Dieu. Arrête, écoute-moi. Cette crête s'incline. Prends garde, ne prends point ce sentier rocailleux. Plus que les vents légères, Alix fuit et rapide traverse champs, vallons, gorges, coteaux, ravins. Semble vouloir longer du Rhin l'empire humide et d'autrefois gagner les monts aux noirs sapins. Rien ne peut arrêter sa course fugitive. Sourde aux propos d'Aymar, telle sous l'épervier à tire-d'aile fuit la colombe plaintive ou la tendre brebis devant le loup cervier. Aymar double d'efforts, il dévore l'espace. De sa sauvage Alix, il suit de près la trace et déjà par deux fois il a cru la saisir. Mais quand elle paraît de fatigue épuisée, la malheureuse encore fuit de crainte pressée, fuit l'époux enchéri qu'elle pense haïr. La lune dans son plein éclaire cette scène, l'étoile du berger scintille au firmament. Le vent fougueux se lève et siffle dans la plaine, soulève en tourbillon le sable de l'arène et couvre de ses cris la plainte de l'amant. Ah, qu'elle est belle ainsi, la talente éperdue, sous ses cheveux épars, ses voiles en lambeaux. Depuis quelques instants sa vitesse est accrue, conduite par l'essor d'une force inconnue vers les bords escarpés du fleuve aux grandes eaux. Succombant de fatigue, Aymar, pâle, livide, s'arrête. Autour de lui jette un regard avide. Ciel, ils touchent aux rocs témoins d'un fol amour. Ils atteignent sa cime et la course rapide d'Alix est ralentie. Il repart intrépide. Sans renaître sa force et la presse à son tour, il vole, étend les bras. Au ciel, Alix vaincu par l'amour ou par la douleur, comme au doux sentiment tout à coup revenu, s'arrête et soudain pose une main sur son cœur. Vers lui tournent les yeux, non plus d'un air farouche, mais cette fois des yeux de tendresse remplis. Elle semble l'attendre et sa divine bouche laisse presque échapper un languissant sourire. Aymar s'écrie « Ô fortuné prodige !» Dans ses bras, il va l'enlacer. Mais, esclave, soumise au sort qui la dirige, surprise tout à coup par un nouveau vertige, la malheureuse Alix vient de se relancer. Elle arrive au sommet de la crête chenue. Là, tel qu'un nid d'aiglon, la roche est suspendue sur le lit escarpé du fleuve impétueux. Mais rien ne peut dompter sa terreur. Éperdue, Alix franchit d'un saut le rebord sourcilleux et soudain disparaît dans le gouffre perdu sous les flots agités par l'aquilon fougueux. Le Rhin gronde, mugit, il soulève ses ondes, semble vouloir briser ses remparts rocailleux. Aymar plonge d'un bond, des vagues furibondes, il combat le courroux de ses membres nerveux, il poursuit son trésor dans les grottes profondes, il ira la chercher s'il faut, le malheureux. 20 fois il la saisit, et 20 fois la tourmente arrache de ses bras son précieux fardeau. La houle à chaque instant s'élève menaçante, à ses infortunés ouvre un béant tombeau. À la surface enfin les amants reparaissent, mais cette fois l'un dans l'autre enlacés. Sauvés ? Oh non ! Les flots sous eux s'abaissent, les recouvrent encore étroitement pressés. Et la foule en émoi sur la rive accourue à grand course de destriers pour sauver ce beau couple à la rage inconnue excite en vain l'ardeur des hardis bateliers. Nulle barque ne peut braver l'onde effrayante qui sans cesse fougueuse et se gonfle et mugit. Ce fleuve bondissant à la voix menaçante qui tel que l'hydre aux cent bouches rugit. Mais le fleuve s'apaise. Une houle expirante roule, soulève au loin le couple malheureux. On s'écrie, on s'agite et la foule en attente, dans l'angoisse le suit, l'appel de ses vœux. Enfin le dieu jaloux a revomi sa proie, par le flot les amants sont jetés sur les bords. Horreur, horreur sans vie, ô trop rapide joie, leurs âmes ont volé vers le séjour des morts, comme deux tendres lys abattus par l'orage tombent sous sa fureur et meurent enlacés. Les deux jeunes époux étendus sur la plage ont rencontré la mort l'un dans l'autre embrassés. Nul n'osera troubler cette union suprême. Paix, respect aux amants, et qu'un commun tombeau enferme leur dépouille à cette place même, où de leur jour mortel s'éteignit le flambeau. En vain l'orgueil héréditaire réclame en ces caveaux des restes tant chéris. Sous le sombre rocher, asile tumulaire, une simple et modeste pierre recouvre à tout jamais les amants endormis. Dormez, dormez, redit la grave Néni, et la pâle douleur du souvenir ami grave sur ses époux, hier objet d'envie, ce verset consolant par l'écho répété, séparés dans la vie, réunis dans l'éternité. Longtemps un beau vieillard à la barbe neigeuse d'un feston de cyprès orna ces tristes lieux. Un jour il ne vint plus. La parque ténébreuse avait fermé sur lui la tombe des aïeux. Et depuis, chaque soir, une femme éplorée vient pleurer sous la roche un caprice vengeur. Au rayon de vespère, d'une lèvre altérée, vide avec désespoir un breuvage trompeur, puis soudain disparaît dans la brume égarée, comme au feu du matin la légère vapeur. Et quand les blancs rayons de la lune tremblante tombent sur les brisants de l'arène écumante, quand l'astre dans son plein lui s'envoie le jaloux, que l'aquilon se lève et dans les sapins crie, le pêcheur attardé sur la vague en furie tremble, pâlit, frissonne, et tombant à genoux s'écrie avec effroi, « Sainte Vierge Marie, c'est la course des deux époux. »